نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، nous sommes donc toujours dans la série de cours en guise d'explication du livre de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, la description de la prière du prophète alayhi salatu wassalam, comme si tu la voyais du premier takbir jusqu'au teslim. On était arrivé, évidemment expliqué par Cheikh Mohamed bin Omar Bezmoul, hafidahullah ta'ala, et on était arrivé au chapitre concernant la récitation du prophète alayhi salatu wassalam lors des prières, dans les prières. On avait vu, la première c'était quoi, Salat al-Fajr, et on avait vu aussi avec, qui allait avec, c'était Sunat al-Fajr, la récitation du prophète alayhi salatu wassalam dans la prière de ce qu'on appelle Sunat al-Fajr, les deux rak'at compris avant al-Fajr. Et aujourd'hui, on va s'attacher, et ça va être un cours qui sera très court, Inch'Allah, aujourd'hui. Hein, il est déjà assez tard. Et on va s'attacher à étudier, Inch'Allah, la récitation du prophète, alayhi salatu wassalam, dans Salat al-Dhuhr. Ensuite, sa récitation, alayhi salatu wassalam, après la Fatiha, dans les deux dernières rak'at. Et là, je vais faire un petit point parce que, hein, on en a déjà parlé. Hein, il y a quelques cours précédents, il y a quelques cours en tout cas déjà. Et après, on va étudier ensemble, Inch'Allah, Salat al-Asr, la récitation lors de Salat al-Asr, et Salat al-Maghrib, plus la Sunnah al-Maghrib, plus Salat al-Isha, et on va s'arrêter là, Inch'Allah, avant de commencer Salat al-Layl, la prière nocturne, parce que c'est un chapitre qui est assez long. Et on va donc se limiter à ça aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. On commence directement. قال المصنف رحمه الله تعالى وهو شيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صفة الصلاة أو صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. القراءة في صلاة الظهر، وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية، وكان أحيانا يطيلها حتى أنه كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي منزله، ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ في كل من ركعتين قدر 30 آية، قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة وفيها الفاتحة. وأحيانا كان يقرأ ب والسماء والطارق والسماء ذات البروج والليل إذا يغشى ونحوها من السور، وربما قرأ إذا السماء انشقت ونحوها أو ونحوها. وكانوا يعرفون قراءته عليه الصلاة والسلام في الظهر والعصر باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام. Donc qu'est-ce que nous dit Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, qui est l'auteur du livre qu'on s'attache à étudier? Il dit la prière du dhuhr, c'est-à-dire ce qu'il faut comprendre ici, c'est la récitation du prophète alayhi salatu wassalam, ce qu'il récitait comme Coran lors de la prière du dhuhr. Le prophète alayhi salatu wassalam récitait la Fatiha et une sourate dans chacune des deux premières rak'a, en faisant en sorte que la récitation dans la première rak'a soit plus longue que dans la deuxième. Parfois, sa récitation alayhi salatu wassalam était tellement longue qu'une fois l'iqama de la prière du dhuhr prononcée, hein, c'est quoi l'iqama? C'est le deuxième appel à la prière, d'accord, hein, on a l'avan, l'iqama, hein, et même certaines riwayats, on voit ben al, hein, vas-y tfadal, adhanayn, c'est-à-dire quoi, entre les deux adhan, ce qu'il faut comprendre entre l'adhan ou l'iqama, hein. Eh bien, que parfois sa récitation alayhi salatu wassalam était tellement longue qu'une fois l'iqama de la prière du dhuhr prononcée, eh bien une personne pouvait partir au cimetière qui est le Baqi' à Médine, accomplir ses besoins, aller faire ce qu'il a à faire, repartir chez elle, faire ses ablutions, puis revenir à la mosquée. Elle trouvait le prophète alayhi salatu wasalam encore à la première raka'a. Hein? Tellement il l'a prolongé alayhi salatu wasalam. Et ils, c'est-à-dire les compagnons, radiallahu anhum ardahum, pensaient que le prophète alayhi salatu wasalam faisait cela pour que les gens arrivent à prier la première raka'at avec l'imam. La première unité de prière, de salat al-dhuhr, ici on parle, avec l'imam. C'est-à-dire lui en l'occurrence ici, alayhi salatu wasalam. Par ailleurs, il récitait dans chacune des deux raka'at, alayhi salatu wasalam, environ une trentaine de versets, soit l'équivalent de la récitation de Alif Lam Mim al-Sajda. La révélation du livre, et c'est, hein, vous vous rappelez des chiffres que je disais, le premier chiffre c'est quoi? Le numéro de la sourate, et le deuxième c'est le nombre de versets. Donc ici c'est 32, 30. Et je répète ici ce qu'il a dit, la révélation du livre, hein, Alif Lam Mim Tenzil, avec la Fatiha, avec la Fatiha. Mais parfois il récitait les sourates, c'est évidemment la traduction du sens, par le ciel et par l'astre nocturne, je vous donne les numéros 86 et 17, par le ciel aux constellations, 85, 22, par la nuit quand elle enveloppe tout, 92, 21, et d'autres de même longueur. Et il lui arrivait, alayhi salatu wasalam, de réciter « Quand le ciel se déchirera, 84, 25, alaykum salam, et d'autres de même longueur. » D'accord ? Il, c'est-à-dire qui ? Les compagnons, radiyallahu anhum ardahum, savaient qu'il récitait pendant la prière du dhuhr et de l'asr au mouvement de quoi ? De sa barbe. « Bittira bilihyatihi » Comment il savait qu'il récitait ? Parce que le dhuhr, c'est une prière à voix haute ou à voix basse ? C'est ça qu'il faut comprendre ici. Donc comment est-ce qu'il savait ? Hein? Qu'il récitait, comme on a dit, par le mouvement de sa barbe, alayhi salatu wasalam. D'accord? Mais maintenant, qu'est-ce que le prophète, alayhi salatu wasalam, récitait comme verset du Coran après la Fatiha dans les deux dernières raka'at? Et déjà, ça va déjà attirer votre attention, parce qu'on a déjà parlé de ce point-là, et un frère, il a fait une remarque. Hein, c'était toi qui avais dit ça. J'ai dit, oui, mais, hein? J'ai dit, attends. Ce qu'on avait dit quoi? Qu'est-ce qu'il avait dit Cheikh Bazmoul sur le fait de lire après la Fatiha dans les deux dernières rak'at? Qui sait me rappeler? Tu ne confonds pas avec autre chose dont on a parlé dans le dernier cours. Il a dit comme ça. Je répète ma question. Qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wasalam lisait après sur la Fatiha comme Coran dans les deux dernières unités de prière, dans les deux dernières rak'at? Alors la question maintenant. Si maintenant tu lis notre sourate, est-ce que ta prière est valable? Non, d'accord. Maintenant, si tu le fais régulièrement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il avait dit? Je vous aide trop là parce que. Hein, qu'est-ce que tu as dit? Ah ouais, il faut être précis là. Idafiyah. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que, que si tu le fais de manière régulière, ça devient une bid'a idafiyah. Il y a un frère qui m'a dit oui, mais hein, pour les frères qui ont déjà lu le livre de Cheikh Al-Albani, ça doit les étonner. Parce que Cheikh Al-Albani dit quoi? C'est une sunna. Hein? Ben on va parler de ça. Et je vous dis déjà, je n'ai pas la réponse. Dans le sens où je ne comprends pas pourquoi Cheikh Bazmoul, à un moment, il a dit ça. Et puis, comme il va rapporter lui-même la parole de Cheikh Al-Albani ici, pour dire que c'est une sunna. Alhamdulillah, Cheikh Bazmoul est toujours en vie. On peut toujours lui poser la question un jour, lui l'appeler. Hein? À la Kouliha, il a sûrement une réponse à nous donner, Inch'Allah. D'accord? Donc, on va déjà lire cela. Et puis, on va revenir sur ce point-là, Inch'Allah. Le prophète, c'est un titre, si vous voulez, réciter des versets. Après la Fatiha dans les deux dernières raka'at. Donc ça, on revient au quoi? Au matn de Cheikh Al-Albani. On est toujours dans le matn de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Vous avez remarqué que Cheikh Bazmoul, il n'a pas fait d'explication de la récitation lors de la prière de Dhuhr. Hein, c'est clair, d'accord? Maintenant, on rentre dans les deux dernières raka'at de Salat al-Dhuhr après la Fatiha. Qu'est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, récitait comme verset du Coran? Ben, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il nous dit: قراءة عليه الصلاة والسلام آيات بعد الفاتحة في الأخيرتين وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف قدر 15 آية قدر 15 آية وربما اقتصر فيه على الفاتحة. Alors ici vous avez un petit 1 pour les frères qui ont l'addition en arabe devant eux et un ta'liq en bas. D'accord ? Mais je vais lire en arabe le ta'liq maintenant et puis on va faire le tout en français après, Inch'Allah. علق المصنف رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الموضع بقوله. Écoutez bien, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit que moi j'ai pas compris comment faire le jam entre les deux paroles du Cheikh Bezemoun. وفي الحديث دليل على أن الزيادة على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين سنة. Vous entendez bien le mot ici, sunnah. وعليه جمع من الصحابة. منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهو قول الإمام وهو قول للإمام الشافعي سواء ذلك في الظهر أو غيرها. وأخذ به من علمائنا المتأخرين. Alors quand Cheikh Al-Albani dit علماؤنا, de qui parle? الأحناف. Faut oublier qu'à la base, Cheikh Al-Albani رحمه الله, il a grandi dans le madhhab al-Hanafi. Via qui? Son père, رحمهم الله. يعني من الحنفية أبو الحسنات اللكنوي في التعليق الممجد على موطن محمد وقال وأغرب بعض أصحابنا حيث أوجبوا سجود السهو بقراءة سورة في الأخيرتين وقد رده شراح المنية إبراهيم الحلبي وابن أمير الحاج وغيرهما بأحسن رد ولا شك في أن من قال بذلك لم يبلغه الحديث ولو بلغه لم يتفوه به انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. On continue maintenant ce qu'il disait Cheikh Al-Albani, on traduira le tout en français pour pas que vous vous perdiez, Inch'Allah, d'accord ? On revient au texte en arabe de Cheikh Al-Albani dans le matn. ربما اقتصر فيه على الفاتحة وكان يسمعهم الآية أحيانا وكانوا يسمعون منه النغمة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وكان أحيانا يقرأ ب والسماء ذات البروج وب والسماء والطارق ونحوهما من الصور وأحيانا يقرأ ب والليل إذا يغشى ونحوها. Donc maintenant ici on parle de quoi comme on a dit de la prière de dhuhr, on parle des deux dernières rak'at et on parle de ce que le prophète عليه الصلاة والسلام récitait après la fatiha. Donc on discute pas la fatiha, ça on en a déjà parlé. On a dit que c'est quoi, c'est un pilier, c'est un rukn, on est d'accord. Il faisait en sorte, alayhi salatu wassalam, que les deux dernières rak'at soient plus courtes que les deux premières, de moitié, soit l'équivalent de la récitation d'une quinzaine de versets. Alors pourquoi on dit quinzaine de versets ici? Voilà, si vous avez fait attention à ce que j'ai dit avant, parce qu'avant on a parlé d'un chiffre de 30. On a dit trentaine de versets, on a dit 30. On revient au texte. 30 ayah, بقدر 30 ayah, ça. Donc ici il a dit quoi? Il a dit, Cheikh Al-Albani rahimahullah, que soit l'équivalent de la récitation d'une quinzaine de versets. Alors ici, on fait la notation, on lit en français maintenant, qu'est-ce qu'il a dit Cheikh Bezemoun en bas de page, en note de bas de page? Il dit, c'est Cheikh Bezemoun qui parle, d'accord? L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans son livre, il parle de qui ici? Cheikh Al-Albani, vous suivez, la description de la prière du prophète, c'est-à-dire que dans le livre que Cheikh Bezemoun est en train d'expliquer, il y a une note de bas de page de Cheikh Al-Albani où il dit ça. Ça va? Il dit à ce sujet, il y a dans ce hadith la preuve que c'est une sunna. Vous avez entendu le terme ici? C'est une sunna de lire autre chose en plus de la fatiha dans les deux dernières unités de prière. Suivez. Et c'est l'avis d'un groupe de compagnons, parmi eux Abu Bakr, radiallahu anhu, arda. Et c'est l'avis de l'imam Shafi'i, que cela soit lors de la prière du dhuhr ou autre. C'est un des avis, pour être plus précis, qawlun. C'est un avis de l'imam Shafi'i. Qawlun l'imam Shafi'i, rahimahullah. Et parmi les plus récents de nos savants, et quand on dit nos savants, quand Cheikh Al-Albani parle, il parle des ahnaf. C'est-à-dire parmi les hanafis, Abu Hassan al-Laknawi, il a dit dans At-Ta'liq al-Mumajjad ala Muwatta Muhammad, page 102, il dit, certains de nos compagnons ont dit quelque chose d'étrange lorsqu'ils ont rendu obligatoire la prosternation de distraction à celui qui ne se rate autre que la fatiha après la fatiha. Donc, Cheikh Al-Albani, qu'est-ce qu'il est en train d'établir en disant ça? Et en prouvant que même certains ahnaf, parmi les muta'akhirin, ils ont dit que c'est une sunna. C'est une sunna, on est d'accord, de lire. Donc, il est en train de rapporter que les ahnaf eux-mêmes, ils ont réfuté ceux qui ont dit que lire une autre sourate après la fatiha, eh bien, ça implique quoi? Ce jeu de sahou, eh bien, que c'est gharib de dire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un hadith qui est rapporté dans le livre, justement, ici. On est d'accord? Je répète la phrase, que c'est un peu plus clair. Donc, ils ont rendu obligatoire, et c'est étrange cette parole de rendre obligatoire, la prosternation de distraction à celui qui lit une sourate autre que la Fatiha dans les deux dernières unités de prière. Ceci a été réfuté par les savants qui ont expliqué un livre qui s'appelle Al-Maniyah, qui est Ibrahim Al-Halabi et Ibn Amir Al-Hajj et d'autres parmi les savants. Ils ont réfuté cet avis qui est étrange pour dire qu'il faut faire un sujet de distraction quand on lit autre chose que la Fatiha après la Fatiha. D'accord ? Ils ont réfuté de la meilleure des manières. Il n'y a aucun doute que ceux qui ont dit cela n'ont pas eu connaissance de ce hadith, car s'ils en avaient eu connaissance, ils ne se seraient pas permis de dire cela. Donc qu'est-ce qu'on est en train d'établir ici ? Que c'est une sunna. Revenez page 188 maintenant du livre. 188. Alors quelqu'un peut me lire la mas'ala talitha ? Quelqu'un qui lit bien l'arabe ? Tafadhal. Toi, tu vois la mas'ala talitha en haut, là ? Vas-y. On n'est pas à la même page, là, je crois, toi et moi. T'as la même édition que moi, Abraham ? Regarde, montre-moi un peu. Non, t'as déjà pas la même, c'est pas grave. Regarde vite le chapitre qui concerne Wujub Qira'a fi Sirriya. Hein ? Donne-lui la page directement, comme ça c'est bon, 188. Et tu as la troisième mas'ala, et vous allez comprendre pourquoi. Tu la vois, là, la troisième mas'ala ? Vas-y, tfaddal. L'ukhrayaini. Vous voyez ? Écoutez bien. Alors, hein, vous comprenez un peu maintenant la question que je me pose, hein? Ben, on peut toujours poser la question à Cheikh Bezmoul, hafidhahoullah ta'ala. Non, là on est dans l'explication, hein. Non, là on est dans l'explication de Cheikh Bezmoul. Parce que quand Cheikh Bezmoul fait l'explication, il rapporte des masaïl, ce chapitre comprend autant de points, et là on est dans le troisième point, il dit ce que tu viens d'entendre, d'accord? Donc là c'est Cheikh Bezmoul qui dit cela, mais un peu plus loin on a quoi? On a le fait qu'il rapporte la parole de Cheikh Al-Albani où il établit que c'est une sunna. On peut toujours lui poser la question, Inch'Allah, il a sûrement une réponse à nous donner à ce niveau-là. Je crois que le ref... Ouais, mais regarde qu'est-ce qu'il a dit, khilaf, sunna. Regarde, je répète, regarde qu'est-ce qu'il a dit, il a très bien lu le frère, il a dit... ولو أن إنسانا زاد على قراءة الفاتحة في الركعتين الأخريين فإنه قد خالف السنة. ولكن المداومة على خلاف السنة يعتبر بدعة إضافية. Mais ça a été rapporté dans la sunna. Tu vois la différence? Ici, il a dit خلاف السنة. Tu vois la différence? خلاف السنة والمداومة بدعة إضافية. Tu vois? Donc moi, franchement, je ne peux pas parler parce que j'ai pas de réponse à ça. Inch'Allah, ben, on se rappelle les uns les autres, Inch'Allah. On essaiera de téléphoner à Cheikh Bezmoul. Hein? Il est assez facile d'accès en général, Inch'Allah. Je n'ai pas eu le temps de le contacter. On laisse ça comme ça en suspens. Moi, c'est pour ça que quand le frère m'avait posé la question dans quelques cours qu'on avait parlé de ça, j'ai dit attends. Parce que moi, ce que je connaissais, c'est l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, que c'est une sunna. Il avait rapporté un sanad à ce niveau-là, une narration comme quoi c'est une sunna de lire après la Fatiha dans les deux dernières rak'a du dhuhr. De toute façon, quoi que, selon les deux avis, si tu le fais, c'est pas, ça annule pas ta prière. Mais c'est important de connaître le hukm au niveau de 1. Est-ce que c'est une sunna ou c'est khilaf sunna? Et 2. Si c'est une khilaf sunna, est-ce qu'il y a le mudawama? Alors on rentre dans le bid'a al-idafiyya. Moi, la vie sur laquelle je suis, c'est la vie de Cheikh l'Albani, c'est que c'est une sunna. Tu m'avais promis quelque chose tout à l'heure. Ah ouais. Vas-y, toi, donne. C'est pas une question, mais si tu peux me rappeler, parce que, comment il a qualifié le fait de Al-Mudawama, le fait de continuellement en fait, lire le menu de Sourah. Il avait dit Khilaf Sunna. Il a dit Khilaf Sunna. Il a dit Al-Aghlab, tu te souviens, il avait dit Al-Aghlab. أن كان يقرأ سورة كاملة في ركعة وأحيانا كان يقسمها بين ركعتين وأحيانا تتذكر هذا؟ لفدي أحيانا لفدي وخلاف السنة والسنة أن يفعل طارة هذا وطارة هذا وطارة تتذكر هذا؟ Il a rapporté ce que le frère vient de nous lire, d'accord. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, j'ai dit, moi je peux pas m'avancer, je peux pas dire que quelque chose de faux par rapport au cheikh ou, Donc on s'arrête là, inshallah, et on demande à cheikh inshallah dès que possible, c'est tout. Ça va? Bien, on termine ce point là. Maintenant, on rentre d'après l'arrestation du prophète, après surat al-Fatiha, mais dans surat... Pourquoi j'ai toujours surat? Dans salat al-Asr. Tu n'as pas traduit le texte après, en français? Non? Ben, on le traduit alors, Inch'Allah. Donc, je termine. Qu'est-ce que le prophète, récitait après... La Fatiha dans les deux dernières rak'at du dhuhr avant de rentrer dans l'asr. Parce que le frère vient de me rappeler très justement que je n'ai pas fini de traduire. Et il arrivait aussi qu'il se contente à alayhi salam de réciter la Fatiha. De temps en temps, il faisait entendre un verset aux compagnons, radiallahu anhum, qui priaient derrière lui dans les prières à voix basse. De même, il l'entendait psalmodier réciter lorsqu'il récitait « Glorifie le nom de ton Seigneur ». C'est évidemment la traduction du sens de glorifie le nom de ton Seigneur le Très-Haut. 87-19. Était-il parvenu le récit de l'enveloppante? 88-26. Et parfois il récitait alayhi salatu wassalam par le ciel aux constellations. 85-22. Et, traduction, par le ciel et par l'astre nocturne. 86-17. Et d'autres sourates de même longueur, de temps à autre, il récitait par la nuit quand elle enveloppe tout. 92-21. Et d'autres sourates de même longueur. Ça va? Après, maintenant, on a fini Salat al-Dhuhr et on rentre dans Qira'atu alayhi salatu wassalam fi Salat al-Asr. Donc maintenant, vous devriez être... Parce que je n'ai pas beaucoup le temps de... Je suis très occupé à droite, à gauche, etc. Mais j'aurais bien voulu de temps en temps de vous faire des résumés, qu'on fasse des khulas entre nous, avec des fawa, etc. Et peut-être même faire des petits tests. Parce que c'est très très important de sortir avec une faïda. Si maintenant, vous rentrez à la maison, et ça c'est un nasiha qu'un talib ilm, un ami à moi qui m'a donné, c'est un frère Aniki Mustafid, un frère libyen, il étudie chez le Mashir, etc. Il m'a dit toujours, moi je passe jamais une page sans que je puisse pas, quand je ferme le livre, l'expliquer à quelqu'un, et si j'ai personne, l'expliquer moi-même à haute voix ou aux djinns qui sont autour de moi. Donc il passe pas une page tant qu'il ne la maîtrise pas. Et ça, c'est vraiment, là, on revient encore une fois à l'ikhlas. Parce qu'à la fin du compte, pourquoi est-ce qu'on apprend? Pour connaître. Donc si on ne connaît pas, il y a un problème. Donc là, maintenant, la question, quand on rentre chez soi à la maison, eh bien, de se dire, ok, on a vu l'arrestation du prophète dans les cinq prières. Qu'est-ce qu'il lisait après Salat al-Fajr? Ou dans Salat al-Fajr. Qu'est-ce qu'il lisait dans les deux sunnas, deux rak'ats de sunnah avant Salat al-Fajr? Qu'est-ce qu'il lisait dans Salat al-Dhuhr? Qu'est-ce qu'il lisait dans les deux premières raka'a et qu'est-ce qu'il lisait dans les deux dernières raka'a? Qu'est-ce qu'il lisait dans Salat al-Asr dans les deux premières raka'a et qu'est-ce qu'il lisait dans les deux dernières raka'a? Al-Maghrib, Sunnat al-Maghrib, Al-Isha, etc. Donc maintenant, petite question comme ça, qui pourrait? Ça peut être intéressant, si j'avais le temps, franchement, qadr Allah, j'ai pas le temps de le faire, j'aurais bien tapé une page sur ordinateur avec des questions, examen, vous donnez les pages, C'est bien, non? Non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée, mais le frère Rani, il faut toujours venir au cours, Inch'Allah. Si quelqu'un ne veut pas participer, alhamdoulilah, mais qu'il reste au cours, Inch'Allah. D'accord? Non, mais c'est pas un examen comme à l'école, c'est un examen pour qu'on appelle en anglais, qu'on appelle assessment, c'est juste pour voir que tu te testes toi-même, pour voir si tu as la connaissance de ce que ce que tu as appris ou pas. Sinon, si on ressort d'ici avec une page blanche, c'est pas la peine. Hein? D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? Qui sait me dire, hein, sans consulter le livre, évidemment, qui sait me dire, hein, je vois des grands sourires déjà, hein? Qui sait me dire, qu'est-ce que le prophète, sallam, quelle était sa récitation dans Salat al-Fajr? Ou si vous voulez, on laisse la question en suspens, qu'est-ce que je termine toutes les prières? C'est comme vous voulez. À la fin du cours. Tu auras plus d'informations, hein? Je la laisse jusqu'à la fin. Ça va. Hein, ça permet à certains de vite réviser, inshallah. Salat al-Asr maintenant, d'accord? قراته عليه الصلاة والسلام في صلاة العصر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويطول أو يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ في كل منهما قدر 15 آية قدر نصف ما يقرأ في كل من الركعتين الأوليين في الظهر وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر نصفهما وكان يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وكان يسمعهم الآية أحيانا ويقرأ بالصور التي ذكرناها في صلاة الظهر. Maintenant, on va le dire un peu plus lentement, inchallah, en français. On parle de la récitation du prophète, alayhi salatu wa sallam, dans quelle prière? Al-Asr. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, récitait la Fatiha et une sourate dans chacune des deux premières rak'at. Tu vérifies chaque fois qu'ils ont du son, inchallah. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, récitait la Fatiha et une sourate dans chacune des deux premières rak'a en faisant en sorte que la récitation dans la première rak'a soit plus longue que dans la deuxième. Alors est-ce que là, ça ressemble à Salat al-Dhuhr ou pas? Les compagnons, radiallahu anhu, pensaient qu'ils faisaient cela. Excusez-moi, je me mets au pied comme ça. Parce que, hein, les compagnons pensaient qu'ils faisaient cela pour que les gens arrivent à prier la première rak'a avec l'imam. Ils récitaient à alayhi salatu wassalam dans chaque rak'a, unité de prière, environ 15 versets. Soit la moitié de ce qu'il récitait dans chacune des deux premières rak'a de la prière du dhuhr. Sa récitation, alayhi salatu wassalam, dans les deux premières rak'a était plus courte que celle dans les deux premières de près de la... Vas-y, dis-le, c'est juste. De la moitié. Hein, c'est juste pour voir si vous suivez ou pas. Et il récitait la fatiha dans ces deux rak'a, alayhi salatu wassalam, de temps à autre, les gens qui priaient derrière lui l'entendaient réciter des versets. De même, il récitait les sourates mentionnées précédemment, c'est-à-dire quoi dans le chapitre concernant la récitation du prophète alayhi salam dans la prière du dhuhr. Avec ça, on a fini la prière de Salat al-Asr. D'accord? Maintenant, la prière de l'Maghrib. Salat al-Maghrib. Wa kana alayhi salatu salam yaqra'u fiha ahyanan bi qisar al-mufassal. Alors maintenant, hein, vous êtes des chouïrs du mufassal. Vous savez me dire qu'est-ce que c'est le Mufassal, c'est quoi Aqwal Ahl-Ain, c'est quoi Tiwal Mufassal, c'est quoi Sirar Mufassal. Vous êtes aptes à le faire parce qu'on en a tellement parlé. Hein, Inch'Allah. Alors qui se lance? Allez, première question, c'est quoi le Mufassal? Moi j'ai dit à Rajih, l'adhi rajahahu Sheikh Abdelaziz Ali Sheikh Hafidahullah Ta'ala, c'est quoi le Mufassal? Quelqu'un il lève la main et il dit la réponse, Inch'Allah. Tfaddal. Qaf. Jusqu'à Nas, Ahsan, c'est juste. Alors maintenant, est-ce que toutes les sourates du Mufassal, elles ont la même longueur? Quelqu'un lève la main et dit, là, il donne la réponse. Celle-là, elle est plus facile que ça. Hein? Ah, tfaddal. Non, sahih, Ahsan. D'accord. Donc, ben, est-ce que tu peux faire le détail donc, vis-à-vis de ça? Il s'est fait avoir, hein? Il s'est fait avoir, hein? Tu vois, c'est bien d'être prof dans la vie. On a des petites techniques comme ça un peu pour... Hein? Oh ben ça on le sait bien, d'accord, mais un peu plus de détails encore. Ah, au début elles sont plus longues. Ok. Elles sont okay. Longues et plus tu vas vers le nez, plus elles deviennent courtes. Moi j'aimerais... Oh, je sais. Hein? Donc, qui sait me faire un peu plus de détails? Eh ouais, Ikhwa. Allez, je vous aide encore un peu. C'est juste ce que tu dis, mais il y a une petite précision à faire parce que moi je parle plus du Mufassal là. Mufassal, on dit c'est Qaf al-Nas, khalas, on est d'accord là-dessus. Qaw Rajih, on sait bien, Qaw Rajih, on a dit. Maintenant, c'est juste, tu as raison. Toi, tu confonds avec quoi? Qisar Mufassal. c'est les courtes du Mufassal. Et c'est juste que je dis qu'à certains ulama, ils considèrent que ça commence à An-Naba. C'est quoi notre avis que ça commence à Ah, mais dis-le, dis-le, tu connais, dis-le, khlas. Lève ta main dessus, j'ai vu sur tes lèvres, t'as dit Wadduha. Ah, faut pas me dire que t'as pas dit, hein. J'ai lu sur tes lèvres, tu as dit Wadduha. D'accord. Et c'est, certains ulama, ils considèrent que c'est quoi, hein, Abduha. Alors maintenant, qui essaie de me dire la réfutation que les ulama, ils ont faite sur, contre ceux qui ont dit que c'est surat Duha. Ah, surat Duha commence les courtes surat du Mufassal. Comment est-ce qu'on a vu ça? On a vu ça dans le hadith du chapitre qu'on a étudié la fois passée. Il y a un hadith qui est clair qu'avec ça, on ne peut pas comprendre que les courtes du Mufassal commencent à Duha. Là, je vous ai trop, hein. Des frères, ils pensent, mais... Masha'Allah. Personne. Vas-y, lance-toi. Ah, elle est facile, celle-là. Personne. Ok, je vous aide encore un peu plus. D'accord. Donc le hadith, il dit qu'il a lu une sourate du Qisal Mufassal et que cette sourate-là, elle a été citée. Et que cette sourate-là, on voit bien qu'elle est avant Duha. Mais c'est laquelle? Aidez-vous de vos notes, si vous avez besoin. Tu as dit quoi? On va vérifier ensemble, Inch'Allah. Non, Amma, on ne parle plus de ça maintenant. C'est sûr, l'insan, c'est après Amma. Alors, les frères. Je vous lis le texte comme il est. Wa kana ahyanan, alayhi salatu wassalam, yaqra'u bi qisar al-mufassal. Vous voyez comme c'est clair. Qisar al-mufassal, ka ida shamsu kuwirat. Et donc, le frère, il avait raison. Takwir. D'accord? Donc ça, est-ce que ça, c'est pas un dalil qui prouve que le Mufassal, il commence avant Duha? Le Qisar Mufassal, il commence avant Duha. Donc maintenant, pourquoi j'ai parlé de ça? Mais on revient à Salat al-Maghrib. Le prophète récitait dans cette prière les sourates courtes du Mufassal. Alors qui sait me dire maintenant, c'est quoi les courtes du Mufassal? Si vous n'avez pas répondu maintenant, là, j'abandonne Allah à la main. On vient de le dire, là, il y a deux secondes. Non, c'est juste, tu avais raison, c'est juste surat Naba. La surat Takwir, elle a été juste citée pour montrer qu'elle est après Duha et avant Naba, exactement. D'accord? De sorte que si quelqu'un qui prie avec le prophète sallam, devait sortir de la mosquée après que le prophète sallam, ait prononcé les salutations finales, il parviendrait facilement à retrouver les traces de ses pas. Alors il y a une note de bas de page pour les frères qui ont le livre en arabe. معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبادر إلى الصلاة في أول وقتها وينتهي منها في وقت قصير لأنه لم يكن يطيل القراءة فيها. D'accord. Donc qu'est-ce que Cheikh Bezmoul nous dit ici par rapport à ce point-là? Il dit, Hafidahullah, cela veut dire que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم priait directement au début de l'heure de la prière. C'est-à-dire que dès que le Maghribi rentre, il priait, alayhi salatu wassalam, al-Maghrib. Et finissait la prière dans un temps court, car il n'y allongeait pas quoi, là? La récitation. Vous suivez ou pas? Hein? Vous suivez? Par ailleurs, il a récité en voyage, alayhi salatu wassalam, wat-tini waz-zaytoun, par le figuier et l'olivier, 95-8, dans la deuxième raka'a. De temps à autre, il récitait les sourates du Mufassal longues. Vous voyez pourquoi c'est important de... Si vous ne savez pas c'est quoi le Mufassal court, le Mufassal long, on n'avance pas. Hein? Mufassal long ainsi que les moyennes maintenant. Ah. En effet, parfois il récitait ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah. C'est la traduction 47-38 de quelle sourate? Wa. Et parfois il récitait Wattur. C'est quoi qu'elle sourate? 52-49. En d'autres occasions, elle récitait les envoyés. C'est quoi? 77-50. C'est cette sourate qu'il a récitée, alayhi salatu wassalam, dans la dernière prière qu'il a accomplie avant sa mort, alayhi salatu wassalam. Parfois, elle récitait l'une des deux plus longues sourates du Coran, Al-A'raf 7-206, en deux rak'at. En d'autres circonstances, elle récitait le butin, qui est Anfal 8-75, en deux rak'at. D'accord ? Alors maintenant, après avoir fini la salat al-Maghrib, on fait sunat al-Maghrib. La récitation de la prière, lors de la prière surrogatoire d'Al-Maghrib. Au début, on a dit l'A'raf. Hein? C'est ce que dans le texte en arabe ici, non? Oui ou pas? Oui ou non? Après, on a dit l'Anfal. Oui, c'est Alouna qui a dit l'Anfal. On est d'accord ou pas? Vous n'avez pas l'Anfal? Tu vois, quand on se base sur une traduction de quelqu'un d'autre, vous vérifiez quelle édition en français à la maison de la bleue? Tu vérifies, Inch'Allah. À la Koulihal, la récitation de. Donc on a dit quoi en arabe ici? On a bien l'A'raf, comme il dit justement le frère, fir rak'ataini. Hein? Il faut savoir, les frères, que le. C'est exactement ce que j'ai dit, les frères. Ce qui est ici, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est qu'en français, ils ont tout traduit. Parce que des fois, chez Abou Azmoul, il y a des passages qu'il ne cite pas hein, dans le livre, il faut savoir ça. C'est-à-dire, il y a des passages de Sifat Salah de Cheikh Al-Albani que Chir Abou Azmoul ne cite pas, même dans le matn. Tu vois? Donc ici, regarde qu'est-ce que j'ai dit. Parfois, il récitait l'une des deux plus longues sourates du Coran, Al-A'raf, en deux rak'at. Regarde ici en arabe. Wa kana ahyan yaqra'u bi tula at-tulayni Al-A'raf fi rak'atayni. D'accord? Et puis regarde après, en d'autres circonstances, il récitait les butins, et c'est bien ce que je dis, l'Anfal. D'accord? En deux rak'at. Al-qira'atu fi sunnat al-Maghrib wa amma sunnat al-Maghrib al-ba'diyya. Ça veut dire quoi, le ba'diyya? Après, du mot ba'da, le ba'diyya. فَكَانَ يَقْرَأُ فِيهَا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَهَدَ. Donc la sunna du Maghrib, c'est-à-dire après le Maghrib, les deux rak'at qu'on fait après le Maghrib, c'est quant à la prière surrogatoire dans le Maghrib, qui a lieu après l'accomplissement de la prière obligatoire dans le Maghrib, le prophète, alayhi salam, y récitait la traduction, dit au vous les infidèles, 109-6, et dit, il est Allah l'unique, 112-4. Maintenant, la dernière prière qu'on va s'attacher à étudier aujourd'hui, c'est Salat al-Isha. Salat al-Isha, كان يقرأ عليه الصلاة والسلام في الركعتين الأوليين من وسط المفصل، فكان طارة يقرأ بي والشمس وضحاها. Alors ça c'est aussi une preuve qui montre que c'est pas وضحا par lesquels commence le cours du Mufassal. Parce que qu'est-ce qu'on a dit ici? وسط المفصل وأشباهها من الصور وطارة بي إذا السماء انشقت وكان يسجد بها وقرأ مرة في سفر ب والتين والزيتون في الركعة الأولى ونهى عليه الصلاة والسلام عن إطالة القراءة فيها وذلك حين صلى معاذ بن جبل لأصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل من الأنصار فصلى فأخبر معاذ عنه فقال عفوا فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق ولما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال معاذ فأخبره ما قال معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى وقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. On avait déjà étudié ce hadith. Par qui s'est rapporté? C'est quoi le sabab ورود الحديث? Parce que dans les versets vous avez le sabab Nuzul aya, la cause pour laquelle le verset a été révélé. Et puis dans le hadith, vous avez le sabab wurud al-hadith, le sabab, la raison pour laquelle le verset a été rapporté. Alors qui s'est rapporté l'histoire? En quelques points, sans rapporter tout le hadith. C'est le cours précédent. Donc le prophète, Mu'ad ibn Jabal, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait la prière de l'Isha obligatoire avec le prophète, je suis d'accord. Et puis, qu'est-ce qu'il faisait? Il rentrait, il allait vers son peuple et il guidait la prière. Alors maintenant, question, on avait dit qu'il y avait un hukm tiré de ça. C'est que l'imam, il peut prier avec une niya différente, une intention différente de l'intention des gens qui sont derrière. Comment est-ce qu'on prend ça de ce hadith-là? Il prie quoi? Avec une niya? Nef, il a une prière surrogatoire, alors que les gens qui sont derrière lui, ils prient leur farida. On est d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a allongé la prière, on est d'accord. Il y a un jeune homme ou un homme qui est sorti de la prière et qui a terminé sa prière dans un coin de la mosquée. Cheikh Bezmoul a dit, qu'est-ce qu'on déduit de ça, Vas-y. C'est exactement ce que j'allais demander. Tu m'as devancé ma question. Parce que le hadith, il ne dit pas clairement recommencer. On a dit, Cheikh Bezmoul, il a dit, le fait qu'il soit sorti du rang, qu'il ait été dans la mosquée, etc., ça implique le fait que la parole la plus forte, c'est qu'il ait recommencé toute sa prière. Parce que là, on a deux questions. Ou il s'est basé sur, par exemple, s'il a pris une rak'at avec Mu'ad ibn Jabal, est-ce qu'il a fini les trois tout seul, ou est-ce qu'il a refait les quatre du début? Cheikh Bezmoul, qu'est-ce qu'il a dit? La parole la plus forte, c'est qu'il a refait les quatre. On est d'accord. Ça va? Maintenant, c'est, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il a été informé. Oui, après, d'abord, il a été informé de ce qu'a fait cet homme-là. Qu'est-ce qu'il a dit? On va dire comme il a dit Mu'ad ibn Jabal, il a dit « Innahu munafiq », c'est un hypocrite, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé après? C'est que l'homme en question, le jeune homme en question, a été informé de la chose, et puis ils ont été voir tous deux le prophète, alayhi salatu wassalam, le lendemain. Qu'est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit? Il a reproché à Mu'ad ibn Jabal d'allonger la prière. Et qu'est-ce que le jeune a dit? Et ça, c'est une réponse par rapport au fait qu'il a été décrit comme un hypocrite. Il a dit, quand l'ennemi arrivera, on verra si je suis un hypocrite, parce que si je suis sincère, si je suis véridique, eh bien je resterai devant l'ennemi, et si je suis un hypocrite, qu'est-ce qu'ils font les hypocrites? Ils tournent le dos, ils s'enfuient. On est d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé Mu'ad ibn Jabal, et il a dit, « Ma fa'ala, ma fa'ala khasmi wa khasmuk. » Il a dit, « C'est un shahada. » Il est tombé en martyr. Et qu'est-ce qu'il a dit, Mu'ad ibn Jabal? Il a dit, « Kadabtu wa sadaq. » Il est tombé en martyr, et Mu'ad ibn Jabal, il a dit, j'ai menti, et les Arabes aussi peuvent dire j'ai fait une erreur, ils me disent kadab. Je ne traduis pas parce que je n'ai pas l'explication du hadith, pour ne pas dire quelque chose sur Mu'ad ibn Jabal qui est fausse. Faire attention que sahaba, d'accord. C'est qu'il a dit kadab, ou hasadak, et il a été véridique, d'accord. Donc on a dit quoi? Ici la prière de l'Isha. Kana yaqra'u alayhi sallatu wasallam fi rak'atayn al-ulayayn min wasat al-mufassal. J'ai déjà lu, Je fatigue là. Le prophète a récité dans les deux premières rak'at de Salat al-Isha, on parle ici, des sourates du Mufassal de longueur moyenne. Donc, parfois, il récitait, la traduction, par le soleil et par sa clarté, wa shamsi, wa duhaha, c'est 91-15, et d'autres sourates de longueur identique. D'autres fois, il récitait, quand le ciel se déchirera, 84-25. Et il se prosternait pendant la récitation, alayhi salatu wassalam. Une fois, il a lu en voyage, traduction, par le figuier, l'olivier, wa tin wa zaytoun, 95-8, dans la première raka. Le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, a interdit de prolonger la récitation lors de cette prière, alors que Mu'ad ibn Jabal était imam dans la prière de l'Isha. Il a prolongé la récitation, et cela a contraint un homme parmi les Ansar à sortir de la prière et à prier seul. Par la suite, on a rapporté cela à Mu'ad, qui a répliqué en disant, c'est un hypocrite. Quand l'homme a pris cela, il parti voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui répéta la parole de Mu'ad. Le messager dit, alors cherches-tu à semer la discorde, à semer discorde au Mu'ad? Lorsque tu diriges la prière, récite wa shamsi wa duhaha. Il lui a montré quoi faire. Par le soleil et par sa clarté, 91-25, 15, glorifie le nom de ton Seigneur, 87-19. Lis au nom de ton Seigneur, 96-19. Et par la nuit, quand elle enveloppe tout, 92-21. En effet, prie derrière toi le vieillard. Et c'est quoi la raison de ne pas allonger la prière comme on l'a dit? C'est que derrière toi, il peut prier le vieillard, le faible et celui qui a des choses à faire, qui est préoccupé par quelque chose, d'accord? Qui a quelque chose à faire. Hein? Et maintenant, on arrive au sixième. C'est la sixième prière, c'est la prière nocturne. Et c'est un long chapitre, donc on va s'arrêter ici aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, qui sait maintenant me résumer? Ou en tout cas, donner déjà un élément de réponse. Quelle était l'arrestation du prophète, alayhi salam, dans la première prière, dans les cinq prières? On commence par la première qui est Al-Fajr. Et je ne parle pas de Sunnah Al-Fajr, je parle d'Al-Fajr. Al-Waqi'a, vous êtes d'accord? Mais est-ce que tu ne peux pas donner, avant de donner des noms, ça, Anissa, de manière générale, des sourates du... On parle du Fajr ici, les frères. Hein, qu'il y a un frère qui prend le livre, qui vérifie quand on parle, parce que... Hein? Vous êtes d'accord? Hein? Regarde. Regarde. Regarde, regarde, regarde, regarde. Non, mais, Ibrahim, ne sois pas si sûr que tu sois en tort. Regarde. Ne sois pas si sûr que tu sois en tort. Autrement dit, tu as raison. Exactement, tu as raison. Vas-y, résume-nous un peu ce chapitre-là, vas-y. Des fois des sourates de Mufassal, d'accord? Hors du Mufassal, d'accord? Exemple, comme tu as dit, Yassine, on est d'accord, c'est pas du Mufassal, on est d'accord? Le Waqi'a qui fait partie des longues sourates du Mufassal, on est d'accord? Falaq ou Nas qui font partie des courts du Mufassal, on est d'accord? Et là, elles font partie du court sans même khilaf. Parce que même les ulama qui disent que Wadduha, là on est dedans aussi. Vas-y, continue. Ça, c'est important d'avoir un esprit de synthèse comme ça. Vas-y. Et en détail. Allez, Sunnat al-Fajr. Qui se lance? Je moi. Pas l'air d'avoir envie. Allez, je moi, Sunnat al-Fajr. Ah, tu me fais peur là, on a fait commencer à dormir aujourd'hui, Hassan. Peut-être que j'ai rappelé. Non, je pense pas avoir rappelé. Au début du cours, j'ai commencé à l'entendre directement. Qulia. Qulia ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. On est d'accord. Autre chose? Quelque chose qu'on a dit par rapport à ça? Quel verset? Hein? Avec quoi terminer le verset, vas-y. Al-Aya, elle est facile celle-là. Moi j'ai Al-Aya. Vas-y. La Al-Aya. Vas-y, c'est quelle sourate ça? Inch'Allah. Oui, c'est pour ça l'intérêt. Quel est l'intérêt? Pourquoi je vous pose cette question-là? Mais c'est que quand tu es dans ta salle, tu saches quoi prier. Tu ne vas pas faire le tekbir et aller voir dans ton livre. Hein? D'accord? Tu continues? Dhuhr. Jumu'ah, tu te lances dans Dhuhr. Moi, c'est enregistré. Mais venez d'abord, qu'est-ce qu'on a dit au tout début? Est-ce que les langues moyennes, etc., ça va vous aider à retourner les noms après? Dans une trentaine de versets, on est d'accord? Ouais. Première, elle est plus longue ou elle est plus courte que la deuxième, non? Elle est plus longue que la deuxième, on est d'accord? À tel point que quoi? Qu'est-ce qui se passait à l'époque du prophète? La première raka'a de salat d'or, elle était tellement longue qu'on pouvait... Al-Baqi'a, qui s'appelle Baqi'a. Faire ce que tu as à faire, rentrer chez soi, faire les ablutions, revenir et trouver toujours le prophète dans la première raka'a. Et qu'est-ce que les gens comprenaient? Pourquoi le prophète faisait ça? Pour... Et d'avoir la première raka'a, on est d'accord. Deuxième raka'a, elle est plus longue que la première. Les plus courtes. Non, mais les plus courtes. Hein? Après, et qu'est-ce qu'il lisait maintenant? Qu'est-ce qu'il lisait dans le dhuhr? On parle maintenant des noms. Vous faisiez des 10 livres, hein? Sejda? Complètement? Combien de faites surat de versets sur le Sejda? Pas loin. Ah, il n'a pas le livre, lui. Tu es d'accord? 32? Hein? Ouais, 22. Il y a Khtilaf là déjà. Hein? Vérifiez. Vérifiez. 30 juste? Hein? Il faut connaître, faut pas être deux. Hein? 30, t'es sûr? C'est pas le numéro du vers de la sourate, ça? Ok. Ok. Après, qu'est-ce qui se passe après? On reste concentré. Qu'est-ce qui se passe après? La sourate d'Or. Quelle autre sourate? Vas-y. Mais pourquoi? Hein? Mais est-ce que c'est considéré comme l'arrestation? De la raka'a. Tu m'as fait une promesse deux ou trois fois là que tu es là. Hein? Je crois qu'après, machallah, on va aller. J'espère que vous n'avez rien à faire après. Parce que... Bon, l'asr, la même chose que le dhuhr. La deuxième, la première, elle est plus courte, sahoulallah. Elle est plus longue que la deuxième, on est d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le verset, dans l'arrestation? C'est plus long, c'est plus court, c'est la moitié, c'est le double. Non, c'est juste quinzaine de versets, la moitié. Ah, d'après le Fatiha, c'est juste, tu vois, il y en a qui suivent. Alhamdulillah, après le dhuhr, on a dit quoi? Des deux dernières rak'a de dhuhr, on a dit après le Fatiha. Est-ce qu'on lit quelque chose, oui ou non? Selon la vie Cheikh Albani, oui, c'est une sunna. D'accord. Maintenant, on revient à Salat al-Asr. Qu'est-ce qu'il disait? Quel genre de sourate? Mais quelle sourate? Quinzaine de sourates. Ah, ok. Moi, je parle des noms des sourates ici. Vous êtes d'accord? Tu peux, hein? Mais à vérifier avant de dire non, hein? L'Asr, moi je parle de l'Asr ici, regarde l'Asr. C'est la dernière phrase qu'il a dit dans le chapitre, on est d'accord? Hein? On est d'accord? Hein? Le Maghreb. Elle était longue, le Maghreb, non? Courte, courte à tel point que. Qu'il pouvait suivre ses traces, alayhi salam, de pas. Naam. Et il a prié au début de son temps et elle était courte. On est d'accord? Oui ou non? Hein? Et qu'est-ce qu'il priait dans Salat al-Maghrib? Qu'est-ce qu'il récitait, pardon? Mais toi, tu parles, il dit l'arrivé, moi je parle de. Hein? Tu as dit quoi? Okay. Maintenant, sonnette le Maghreb. L'Aïcha. Elle était courte ou longue? C'était quoi les. Ah, il a un doute là, qui sait l'aider? Bah, tu étais sûr ou là, tu revérifies? Ok. T'as vérifié, Inch'Allah. Ok. On reste là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Wallahu a'lam, subhanak allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Ce mardi-ci, Inch'Allah, on va essayer de faire court, c'est pas sûr, mais on se tient au courant, Inch'Allah. C'est juste maintenant comme ça, la Isha, à 19h30. On va le mettre sur le site, Inch'Allah, de toute façon. On va essayer de commencer à 19h50. Hein, c'est surtout pour les gens qui ne sont pas le tôle, qui rentrent à 19h30. Ils vont trouver, ils vont peut-être pas trouver la room, ils vont se dire qu'il n'y a pas cours. Hein, à la Kulihal. Et la semaine d'après, il n'y a pas cours, Inch'Allah, parce que je pars en voyage, Inch'Allah. Donc, il n'y a pas cours. Inch'Allah, on se tient au courant via le site, etc. Et pour les fractions ici, via texte, Inch'Allah. Wa jazakumullahu khairan. Wa barakallahu fikum. Wa...